L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astronomes australiens vient de résoudre une énigme vieille de plusieurs décennies. La dimension des nuages de gaz froid et neutre peuplant le milieu intergalactique. Connu dans le jargon par le terme « nuage à Riemann alpha affaibli » ou « nuage DLA, DLA » pour « damped Riemann alpha ». Cette observation a été rendue possible en observant des galaxies éloignées qui se trouvent être en arrière-plan de ces fameux nuages de gaz intergalactiques. L'Australien Jeff Cook et de la Swinburne University et son collègue John O'Meara ont réalisé qu'il était tout à fait possible de mesurer la dimension des nuages de gaz d'avant-plan en observant la zone qu'ils couvrent sur la surface d'une galaxie située, elle, en arrière-plan. La méthode, qui a été exposée cette semaine lors de la réunion d'hiver de l'American Astronomical Society et publiée par The Astrophysical Journal Letters, repose tout d'abord sur l'identification de galaxies les mieux à même d'avoir devant elles des nuages de gaz DLA, puis sur l'obtention de très longues pauses sur les objets identifiés, ça à l'aide de grands télescopes comme le Keck de 10 mètres à Hawaï, ou un des 4 VLT de 8 mètres au Chili. Les nuages de gaz DLA sont importants car on estime qu'ils contiennent la grande majorité du gaz froid et neutre de l'univers et en quantité suffisante pour former au moins autant d'étoiles que toutes celles qui existent déjà. Mais les nuages de gaz DLA sont aujourd'hui très calmes. Ils ne forment que très rarement d'étoiles et sont donc très peu lumineux, et donc difficilement détectables. Sauf lorsqu'ils se trouvent dans la ligne de visée d'un objet brillant en arrière-plan, sur la lumière duquel ils peuvent laisser des raies d'absorption caractéristiques. Auparavant, les astrophysiciens utilisaient des quasars, des galaxies actives énergisées par leur trou noir, ou bien des bouffées de rayons gamma, des GRB, pour mettre en lumière la présence des nuages de gaz DLA. Mais les quasars et les GRB sont tout de même assez rares, et surtout, étant très lointains, ils apparaissent quasi ponctuels. A l'inverse, des galaxies entières, et pas seulement leur noyau actif, plus proches, montre une surface apparente bien plus importante, ce qui permet de multiplier potentiellement par plus de 10 millions la surface d'éclairement des nuages de gaz situés en avant-plan. Le cas découvert par Cook et O'Meara, parmi les 54 galaxies dont ils ont épluché les spectres et qu'ils décrivent dans leur article, correspond à un nuage de gaz qui couvre entre 90 et 100% de la surface de la galaxie située derrière. La surface explorée se trouve ici multipliée par un facteur 1 milliard par rapport à ce qu'ils auraient pu obtenir en utilisant un quasar d'arrière-plan. La masse de ce nuage est estimée encore grossièrement entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Depuis 40 ans, on connaissait l'existence de cette absorption gazeuse, mais on ignorait quelle pouvait être l'étendue spatiale de ces nuages. L'utilisation d'une source de lumière étendue comme celle d'une galaxie entière permet désormais de résoudre cette question et de déterminer enfin leur véritable dimension. Les auteurs préviennent que la technique employée se trouve être à la limite des capacités instrumentales offertes par les télescopes de la classe 8 mètres. En revanche, elle pourrait très vite devenir une méthode classique pour les futurs instruments de 30 mètres. Il devrait notamment être possible dans le futur d'appliquer la méthode à des galaxies de faible luminosité, plus lointaines encore, et ainsi sonder un volume d'univers beaucoup plus grand dans la profondeur, et pourquoi pas parvenir à cartographier entièrement la répartition du gaz froid dans l'univers jeune. Cette étude est donc parue dans The Astrophysical Journal Letters, numéro 812, en date du 20 octobre 2015. Il s'intitulait « A new constraint on the physical nature of damped Lyman alpha systems » par Cook et O'Meara. À très bientôt sur Ça se passe là-haut, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Retrouvez ce podcast en téléchargement, en abonnement, en écoute sur podcloud.fr et bien sûr toujours sur iTunes. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et restez bien les pieds sur terre. Hein ? Allez, salut !